il y aura un matin froid comme de la glace, des lèvres qui avancent et m'embrassent. Peut-être ne suis-je pas à ma place. Tu diras des mots qui sortent quand on s'enfuit, des mots qui partent et que j'oublie avant le sens et l'ennui. Dis-moi que tu vas bientôt partir. Sais-tu que tu me fais souffrir, étendu là comme un soupir. Il y aura un matin crevé comme un soir, des draps tachés de désespoir, glissantes nos peaux telles des cafards. Et dira ta voix pour défoncer le vide, ah, le temps en chute libre, une maladie indestructible. Dis-moi que tu vas bientôt partir. Sais-tu que tu me fais souffrir, étendu là comme un vampire. Comme de la glace, moi sans doute pas à ma place. J'attendrai que tu te casses. Dis-moi que tu vas bientôt partir. Sais-tu que tu me fais souffrir, étendu là comme un vampire.